Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Rejeter avant même de chercher à comprendre, cela n'est pas acceptable, humainement, scientifiquement parlant. Par ailleurs, le besoin se fait sentir. Il se faisait sentir au début des années 2000, mais cela est sans doute encore valable aujourd'hui, le besoin se fait sentir d'un enseignement des sciences moins dogmatique. Chacun devrait être riche d'une culture scientifique, sans pour autant vouloir devenir un chercheur, comme Édouard Brézin. Édouard Brézin, l'invité de Caroline Brouet pour une série d'avenues. À propos, qu'est-ce qu'être chercheur? Un travail? Un art? Nous avons pu suivre les trois premiers volets de cette série, à l'École de la République, de la physique avant toute chose, puis les années CNRS. Voici les quatrième et cinquième émissions de cette série, Approche scientifique et esthétique du monde, puis Beauté de la recherche, art de la physique. Tout de suite, Approche scientifique et esthétique du monde, première diffusion sur France Culture le 2 mai 2002. Édouard Brézin, après avoir évoqué vos origines et retracé votre parcours, qui vous a conduit à croire profondément aux valeurs de l'école républicaine, après avoir exposé ce qui vous a conduit à la physique et tracé les grandes lignes de vos recherches, après avoir décrit votre action à la présidence du conseil d'administration du CNRS et discuté de l'état de la recherche et de l'enseignement en France, j'aimerais aujourd'hui que nous abordions un thème qui, je crois, vous est cher, à savoir la place de la culture scientifique dans notre culture générale. Vous êtes en effet convaincu de l'importance de la culture scientifique et sans doute de l'idée qu'il ne saurait y avoir de philosophie pertinente sans connaissance profonde de la science. Or, en France, vous déplorez le manque de culture scientifique, et vous n'êtes pas le seul à le faire, qui peut-être se traduit de deux manières, et c'est ça que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Premier constat, l'image ambivalente que les Français ont de la science. Une enquête de la Sofres en 2000 sur les attitudes des Français à l'égard de la science montrait que 88% des personnes interrogées déclarent avoir confiance dans la science, mais parallèlement que 82% des interrogés se disent d'accord avec l'énoncé suivant « Les chercheurs scientifiques, par leur connaissance, ont un pouvoir qui peut les rendre dangereux ». Premier constat donc. Deuxième constat, induit par ce manque de culture scientifique, peut-être le divorce existant entre les scientifiques, entre guillemets, et les littéraires, toujours entre guillemets, peut-être divorce qui existe à tous les niveaux, entre les sciences dures et les sciences humaines, divorce consommé au cours d'un débat entre vous et Alain Finkielkraut, organisé par les élèves de l'École Polytechnique, autour du livre de Sokal et Bricmont, Imposture intellectuelle. Alors voilà, j'aimerais que vous nous donniez votre avis sur ce divorce, sur ce constat du manque de culture scientifique, et puis nous verrons peut-être comment en sortir ensuite. Édouard Brézin. Beaucoup de questions effectivement essentielles. Place de la culture scientifique d'abord, si vous me permettez. C'est vrai que il faut quand même prendre conscience de ce que le monde est interrogeable. C'est-à-dire que, en réalité, nos sens ne nous permettent que d'appréhender une toute petite partie de la réalité de ce qui nous entoure, de son histoire, de son fonctionnement, des forces qui ont conduit jusqu'au monde tel que nous le voyons et à ce que nous sommes. Et néanmoins, si on l'interroge correctement, le monde répond. Donc, c'est la première chose. Il faut savoir cela. Nous ne sommes pas devant des mécanismes à jamais sans espoir, et ça me paraît extrêmement important d'en prendre conscience. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que si nos concitoyens sont fort légitimement préoccupés de ce qui les entoure, de sentiment que la planète est menacée en allant rapidement, il est certain, enfin ma conviction profonde, mais je pourrais l'étayer de beaucoup d'exemples, est que ceci nous demande des efforts de compréhension et de recherche extraordinairement importants, la compréhension des mécanismes qui régissent la planète, l'environnement, l'écologie, les grands équilibres auxquels nous sommes légitimement attachés, demande une quantité de recherche considérable, autrement dit, demande plus de science et pas moins de science. Or, mon inquiétude vient de ce que une réaction que je trouve maintenant fréquente, sommaire, est une réaction de rejet analogue assez volatile, qui plonge la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui se passe autour d'eux. Il s'agit quand même d'essayer de comprendre et par exemple le climat, pour ne prendre qu'un exemple qui préoccupe légitimement tout le monde, ou bien les grands problèmes, le nucléaire, la santé, les OGM, les déchets, l'avenir des déchets, les problèmes posés par les déchets, demande une quantité de recherche absolument extravagante sur la géologie, sur la tenue des vers, sur la migration dans différents milieux des radioéléments, etc. Tout ceci, nous n'avons qu'une connaissance balbutiante et insuffisante qui justifie à la fois les précautions que l'on prend, les craintes, mais qui ne justifie absolument pas que on s'arrête et qu'on dise on ne veut rien comprendre. J'entendais l'autre jour le directeur de l'Institut Pasteur, Philippe Kowalski, qui a beaucoup réfléchi au principe de précaution, puisqu'il a remis un rapport au Premier ministre à ce sujet, et il disait, mais finalement, il y a deux lectures absolument opposées du principe de précaution. Pour l'une, c'est on ne sait pas, donc on ne fait rien. Et pour l'autre, c'est on ne sait pas, donc il est légitime de tout essayer. Donc on voit bien que le principe de précaution ne veut rien dire si on n'a pas précisé de quoi on parle. Et j'ai donc très peur d'une croissance d'une attitude anti-scientifique, là où précisément, à mon sens, nous avons besoin plus que jamais, dans des domaines différents certes, mais de nous plonger dans la compréhension de mécanismes beaucoup plus difficiles que ceux que nous avons connus dans le passé. La science, autrefois, se préoccupait de systèmes bien définis, le solide idéal parfait, la molécule biologique unique. Aujourd'hui, nous sommes dans des phases d'intégration de systèmes beaucoup plus complexes, et je crois que ça fait partie des grands enjeux de la science actuelle. Donc, voilà l'une de mes motivations. L'autre est réellement, je souhaiterais que plus de personnes soient conscientes de la façon dont le monde fonctionne, évolue, car ça me paraît très important de le comprendre. Pour beaucoup de gens, la science, je regarde dans les journaux la rubrique qui s'appelle science, et quelquefois j'y vois la fusée machin n'est pas partie. Pour beaucoup de gens, c'est pourquoi s'intéresserait-on à la façon dont un transistor fonctionne, ou au séquençage de l'ADN du ver nématode. C'est vrai, ça sert à rien de comprendre en soi ce fonctionnement. En revanche, la science ne se réduit pas à cela, ça en fait partie, le transistor, Dieu sait si ça a été une chose importante, et qui d'ailleurs n'est pas sortie du hasard d'un bricoleur de génie dans son grenier, c'est sorti d'une compréhension fondamentale de la nature quantique des solides. Donc, il y avait là entre les conceptions les plus fondamentales et finalement une application dont l'évidence n'échappe à personne, il y avait là une continuité extraordinaire. Mais c'est pas simplement à ça que je voulais faire allusion, c'est au fait que, par exemple, l'univers a une historicité dont peu de gens sont conscients et dont les découvertes sont assez récentes dans l'histoire du monde. Et ça, je crois que c'est très important. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une historicité constante dans les sciences. Dans le vivant, elle a été découverte par Darwin, avec toute l'opposition qu'on a connue, qui n'est pas toujours terminée, comme on le voit dans certains états stupides des États-Unis. Nous apprenons que le vivant a une histoire. Nous avons appris que l'univers a une histoire. Et ça, c'est une anecdote. Enfin, c'est un peu plus qu'une anecdote. C'est quand même quelque chose de très intéressant. C'est lorsque Albert Einstein, qui était un homme révolutionnaire comme peu dans les idées, crée dans les années 10 une nouvelle théorie de la gravitation qu'on appelle la relativité générale, il cherche immédiatement une solution à ces équations dans lesquelles le monde n'évolue pas. Le monde, pour lui, a toujours été là, l'univers est éternel, infini, etc. Et il s'aperçoit qu'il n'existe pas de solution dans lesquelles les masses sont là, interagissent et resteront à jamais telles que nous les connaissons. Et donc, face à ça, il modifie sa théorie. Et ça n'est que la découverte, 10 ou 15 ans plus tard, par un astronome qui s'appelle Hubble, de l'évolution de l'univers, du fait que l'univers évolue, qui fait que Einstein, d'un seul coup, se rend compte que il a fait une hypothèse complètement gratuite, il a supposé que l'univers n'évoluait pas, alors qu'en réalité, l'univers évoluait. Donc, bon, voilà un exemple qui nous montre à quel point nous résistons à l'idée que tout a histoire, la Terre, le vivant, l'univers, et que d'une certaine façon, ce que nous voyons, qui n'est qu'un instant infime dans cette très longue évolution, la Terre a plus de 4 milliards et demi d'années, nous ne voyons rien au cours de notre vivant de cette évolution. Pourtant, nous sommes les résultantes de forces qui ont conduit à ce que nous sommes et à ce que nous voyons, et je crois qu'il faut en prendre conscience. Alors, il ne faut pas exagérer, le darwinisme poussé à son extrême, surtout en matière de société humaine, conduit à des aberrations absolues. Néanmoins, je crois qu'on ne peut pas s'affranchir d'une lecture de ce que nous sommes sans essayer d'en faire la liaison avec là d'où nous venons. Je vais essayer d'être plus précis. Je ne crois pas à une théorie darwinienne élémentaire de la morale ou du bien et du mal, comme certains ont voulu le faire. Je ne crois pas à une théorie darwinienne élémentaire de l'esthétique, comme là encore d'autres ont voulu le faire. Nous trouvons tel un paysage est beau puisqu'il y a un avantage sélectif à le trouver beau. Je crois que ceci n'explique rien. Ce qu'on a appelé le réductionnisme matérialiste et dont Jean-Pierre Changeux dans L'homme neuronal se fait le porte-parole. Oui, oui, certainement. Autrement dit, si je reviens à cela, je crois que nous sommes très loin, effectivement, de comprendre comment on remonte du fonctionnement des neurones et de leur couplage, les synapses, comme disent les neurobiologistes, aux vraies questions qui nous préoccupent, de savoir pourquoi nous pensons comme entité, je, avec le sentiment d'une conscience et d'une individualité. Je crois que nous sommes extrêmement loin de cela. C'est sans doute très compliqué. Le système est tellement complexe qu'il faudra sans doute beaucoup de décennies de recherche avant de le comprendre. Et donc, prétendre que la connaissance du monde est entièrement rationnelle est absurde. Le rationalisme est limité. En revanche, ce qui me gêne toujours, ce sont les gens qui prétendent savoir où sont les limites, a priori. Je ne sais pas où sont les limites. Il y a des limites incontestables à l'heure actuelle. Lorsqu'on me dit « jamais on ne pourra avoir une compréhension complète de, est-ce que je sais moi, de l'esthétique, de la raison pour laquelle nous trouvons tel tableau ou tel paysage plaisant à nos yeux », eh bien je n'en sais rien, je suis pas, nous ne le comprenons pas, mais est-ce que c'est irréductible? Je ne le sais pas. Et donc, je crois que il faut à la fois comprendre ces forces dont nous sommes issus. Je crois qu'une partie de la morale sur laquelle nous reposons, certains la font d'essence religieuse, moi je la crois, alors cette fois-ci, d'essence évolutive. C'est-à-dire que les sociétés telles que nous sommes ont trouvé des avantages dans l'évolution à construire une morale telle que nous la vivons. C'est sans doute pas l'homme transcende de beaucoup ces simples phénomènes évolutifs qui sont là chez l'animal, et en particulier parce que l'homme a une possibilité de transmettre autre chose que son génome. Nous sommes la seule espèce, ou presque, qui peut transmettre pas simplement son génome, mais ses créations, ses conceptions, grâce à qui Mozart ne meurt pas complètement. Il n'y a que dans les sociétés d'hommes, et donc nous sommes très loin de ces mécanismes élémentaires des sociétés animales, mais je trouve très difficile de comprendre que l'on puisse s'en affranchir dans la réflexion sur sa destinée humaine, sur son devenir, sur la morale, sur l'esthétique. Je pense que ces grandes questions ont une composante scientifique. Et puis, alors là, c'est le physicien qui reparle, la mécanique qui régit le monde, et en particulier cette mécanique quantique dans laquelle nous sommes devant, je ne vais pas l'appeler mystère, la mécanique quantique est une science d'une précision pour l'instant sans limite. Peut-être un jour on trouvera-t-on des limites et faudra-t-il substituer autre chose, mais elle nous conduit à une vision du monde tellement étrange dans laquelle la notion de la réalité indépendante de l'observateur se pose. On a beaucoup de mal à la comprendre, et je ne sais pas s'il existe une réalité indépendante des observateurs. Je trouve qu'il y a quand même là un problème qui concerne chacun d'entre nous, pas seulement le spécialiste, qu'il faut connaître. Il faut savoir à quel point la physique nous a révélé que le monde n'a rien à voir avec ce que nous voyons. Nos sens sont si limités dans leur action qu'on ne voit que des événements à l'échelle de notre vie, ce qui n'est rien, ce qui est beaucoup trop long par rapport aux événements très rapides qui se passent dans les atomes ou les molécules, qui est rien par rapport à l'évolution de l'univers. De la même façon, nos yeux ne voient que très peu de choses, et nos microscopes sont encore bien impuissants à descendre là où nous voudrions aller pour comprendre l'histoire de l'univers. Donc, je trouve que il y a là une problématique qui ne concerne pas seulement le spécialiste. Alors c'est peut-être notre faute, nous ne nous expliquons pas assez, nous ne l'expliquons pas assez. Oui, c'est ça que j'allais dire. Souvent les non-scientifiques, en tout cas, reprochent aux scientifiques d'être retirés dans leur tour d'ivoire et de rester dans leur laboratoire sans sortir pour expliquer aux gens ce qu'ils font et effectivement le monde dans lequel on vit. Alors, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que le scientifique devrait un peu aller vers les gens et leur expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit? Est-ce que c'est impossible à faire? Enfin, non, certains d'entre nous l'ont fait et je leur en suis reconnaissant. J'ai beaucoup d'admiration. Par exemple, lorsque Pierre-Gilles de Gênes et ensuite Georges Charpak ont eu le prix Nobel de physique, ils ont utilisé leur gloire justifiée pour immédiatement aller dans les lycées et parler à de très jeunes gens, donc pour expliquer les enjeux de la science, ce que un regard scientifique sur le monde permettait de comprendre. Et ça, je crois que c'est... Bon, ils ne sont pas les seuls, mais je crois que ce sont des initiatives importantes. Je crois qu'elles manquent. Un certain nombre de médias comme France Culture font un effort que je salue, que je trouve important. La presse écrite en France est plus préoccupante. On y trouve le meilleur et le pire. Ce que j'entends par le pire, ce sont des journalistes qui sont des gens qui font des campagnes sur leur propre point de vue plutôt qu'essayer de rendre compte. Et ça existe. Je peux vous en donner des exemples qui m'ont choqué de manière épouvantable. C'est une spécificité française. Écoutez, je crois que, alors là, cette fois-ci, dans les grands journaux de la presse anglo-saxonne, alors il y a des pages science qui sont de grande qualité. En France, il y en a aussi. Il y a des articles de grande qualité dans Le Monde, dans Libération. Il y en a d'épouvantables. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que dans le monde anglo-saxon, on a une autre idée de la culture scientifique et de la place de la culture scientifique dans notre culture générale ? Oui, vous posez là une vraie bonne question. En France, en gros, les scientifiques sont considérés comme des personnes plongées dans le monde technique et donc qui n'ont rien à dire qui puisse intéresser le non-scientifique. En gros, ce qu'ils pensent ne nous concerne pas. Voilà l'attitude de la plupart des gens. On ne le comprendra pas, puis ça ne nous concerne pas. Il n'y a aucune raison de le comprendre. J'ai souvenir de Claude Hitzickson à une émission de télévision de Michel Pollack essayant de citer Richard Feynman. Dieu sait s'il fut un penseur important du XXe siècle. Et se faire dire, mais c'est technique ça, monsieur, avec un mépris total. Donc... Nul ne considérera qu'un scientifique puisse être joué un rôle d'intellectuel. Or, le débat, vous citiez Jean-Pierre Changeux, il y a là un débat intellectuel considérable dans lequel je pense que, prendre cet exemple qui est connu, je pense là qu'il y a un débat qui concerne tout le monde. Les débats sur la physique et la réalité et la notion de mesure et d'observation est un débat qui ne doit pas simplement concerner les spécialistes, mais dont tout le monde devrait être conscient, qui me paraît aussi important que celui sur qu'on peut avoir en philosophie sur les idées de Kant. Enfin, je vois pas pour. Malheureusement, c'est traité chez nous dans une catégorie complètement différente. Et je crois que je le regrette. Alors que faire ? Je suis préoccupé comme vous de ce que il y ait rejet avant même qu'on essaye de comprendre. Ça me choque considérablement. Je veux bien qu'on se pose des questions sur les OGM, encore que actuellement on est propagé comme si c'était une vérité absolue que les OGM c'est la belle bouffe et abîme la santé. Et pour l'instant, j'attends les publications scientifiques qui nous le montreront. Mais on a le droit de faire des champs expérimentaux pour se poser la question, pour savoir est-ce que les OGM modifient le cycle écologique auquel nous sommes attachés. Donc, je trouve que interdire la recherche, c'est ce qu'il y a de pire. Nous vivons une situation extrêmement mauvaise malgré la loi qui vient d'être passée, d'être modifiée sur les recherches concernant les cellules souches embryonnaires. Il y a là des défis pour la santé absolument considérables, des espoirs. Les chercheurs n'auront pas le droit, auront les mains liées parce qu'on a peur qu'on fasse des clones humains. Bon, effectivement, il faut interdire le clonage d'un être humain et s'assurer qu'il ne se sera pas. Mais est-ce qu'au nom de l'interdiction du clonage d'un être humain, il faut se priver des recherches qui peut-être permettront de guérir la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson ? Peut-être. Je trouve que le débat mérite... d'y réfléchir à deux fois, surtout si on se rend compte que les gens qui ont de l'argent, eux, ils pourront aller en Angleterre, aux États-Unis, où les recherches sont autorisées, et échapper à l'interdiction qui est faite en France. Donc, il y a une attitude préoccupante dans laquelle on refuse même de se poser les questions, et qui me gêne beaucoup. Et alors, comment combattre l'illettrisme scientifique? Vous avez parlé tout à l'heure des initiatives lancées par Georges Charpak et Pierre-Gilles Lejeune. On peut effectivement faire écho à leur initiative lancée en 1996 sous le nom de la main à la pâte, qui est une tentative de rénover profondément l'enseignement des sciences à l'école. Est-ce que justement ça passe par l'enseignement? Est-ce que ça passe par la vulgarisation, les livres? Ou est-ce que ça passe plus généralement par une curiosité, par une volonté de rester curieux et effectivement de comprendre que le monde est sans arrêt interrogeable? Édouard Brézin. Oui, tout ce que vous dites est évidemment important et véritable. L'édition scientifique française, grâce à des éditeurs comme Odile Jacob et quelques autres, a fait des progrès considérables depuis 20 ans. Donc la situation est bien meilleure. Pour l'enseignement, c'est vrai que il y a besoin d'un enseignement des sciences beaucoup moins dogmatique que celui que nous avons connu. Les physiciens à l'initiative Georges Charpak, Yves Quéret, Pierre Léna, qui ont essayé de rénover pour les très jeunes enfants le sens de l'observation, de ce qui s'appelait la leçon de choses autrefois, font une œuvre absolument essentielle. Et je dirais, ce qu'il faut surtout, c'est si on fait des filières non scientifiques, je crois qu'il faudrait ne pas renoncer à avoir dans ces filières-là un enseignement de culture générale scientifique. C'est-à-dire, on va renoncer à l'idée qu'il puisse résoudre une équation qui permettra de comprendre une situation physique, mais on essayera, je crois qu'il est important de leur faire essayer de prendre conscience de cette nature interrogeable, disions-nous, du monde qui les entoure. Et donc, là, je crois que ça mérite quelque chose, y compris à l'université. Je trouve nos enseignements universitaires très spécialisés. Donc, j'aimerais bien qu'à ce stade-là, il y ait une espèce de réflexion. Les universités américaines ont un cours qui s'appelle traditionnellement « Physique pour les poètes ». Je crois qu'on a besoin de choses comme ça. C'était À voix nue, Édouard Brézin au micro de Caroline Brouet, quatrième volet de la série « Approche scientifique et esthétique du monde ». Tout de suite, le cinquième et dernier volet de la série d'À voix nue, « Beauté de la recherche, art de la physique ». Édouard Brézin, hier nous avons tenté d'expliquer comment réconcilier une approche scientifique et une approche esthétique du monde, disons. Eh bien, nous allons peut-être prolonger un peu cette discussion aujourd'hui, puisque pour cette dernière conversation, j'aimerais que vous nous parliez de votre travail de chercheur et de physicien, et que vous nous expliquiez, compte tenu de ce que vous nous avez dit hier sur la science comme regard sur le monde, votre pratique quotidienne de la science. Qu'est-ce au quotidien que le travail de chercheur? Comment vous qualifieriez ce travail scientifique? Est-ce que, par exemple, c'est un plaisir, un devoir, un art, une angoisse, tout à la fois, Édouard Brézin? Oui, c'est tout à la fois. C'est incontestablement les moments où l'on comprend quelque chose, où on a le sentiment enfin de comprendre quelque chose, alors qu'on s'est buté contre ça. Et puis, il faut aussi le dire, il y a un plaisir égoïste qui, on a le sentiment d'être d'un seul coup, même si c'est un micro-truc, d'être le premier à le comprendre, que personne n'a compris avant vous. C'est un plaisir d'une force incomparable. Les rares moments où j'ai eu ce sentiment, pour des choses microscopiques, sont des moments les plus forts de toute ma vie professionnelle, de très très loin, et je donnerais tout, vraiment tout, de ma vie professionnelle. Je laisse ma vie affective de côté. Je donnerais tout pour ces moments-là, pour les reproduire. Ils me paraissent beaucoup plus forts que toutes les postes prestigieux auxquels on peut être éventuellement soumis ou confronté. Bon. Évidemment, c'est en même temps, à cause de ça, une certaine souffrance, parce que c'est une compétition, et bien quelquefois, bien souvent, on est doublé dans la compétition. Des gens sont, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous voyez le résultat apparaître sur vos écrans, puisqu'aujourd'hui, on reçoit la recherche tous les jours sur, par courrier électronique. C'est aussi une souffrance parce que, surtout en physique théorique, c'est un métier très individuel. Et donc, personne n'a 40 années glorieuses. Hein, donc, il y a des années où ça marche, il y a des années où ça marche pas. Et puis, quand ça marche pas, vous pouvez pas accuser les intempéries ou le fournisseur qui ne vous a pas livré. Vous êtes, c'est vous qui êtes en accusation. Donc, c'est pour ça que c'est un métier qui est difficile et qui demande un bon équilibre. Et en particulier, moi, j'ai toujours trouvé que l'enseignement est un bon équilibre. C'est-à-dire que enseigner à des jeunes qui ont envie de comprendre, d'abord, ça demande un gros effort. Et une fois qu'on l'a fait, on a un sentiment indubitable d'avoir un rôle social. Et dans ces conditions, si ma recherche marche bien en plus, eh ben j'en suis très heureux. Puis si elle marche moins bien, ce qui, hélas, arrive, bien sûr, bien, néanmoins, j'ai pas le sentiment d'être un parasite, d'être totalement inutile. Donc voilà comment je trouve mon équilibre. Et puis encore une fois, comme nous le disions il y a un ou deux jours, je trouve aussi mon équilibre dans ce sentiment d'appartenir à une collectivité qui, elle, avance. Quel que soit mon rôle personnel, je vois la science bouger, les problèmes entiers tomber devant les efforts collectifs. Et ça, c'est un plaisir d'une force qui, pour moi, est très important. Oui, c'est ça. Vous dites que c'est un travail individuel, mais c'est quand même l'œuvre d'un individu collectif. Si on reprend ce que dit Valérie dans ses cahiers, l'homme de science s'applique à un objet forcément commun et ses pouvoirs personnels sont finalement employés impersonnellement. C'est assez vrai, somme toute. Oui, c'est une belle façon de le dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec cela. C'est vrai que nous sommes une communauté d'amis en compétition, donc fortement liés et qui nous retrouvons dans des rencontres où chacun essaye de présenter son travail. Finalement, nous vivons beaucoup dans le regard des autres. Si je cherche la motivation la plus forte de mon travail, eh bien, ce qui comptera le plus pour moi, c'est comment un tel, que penseront-ils de ce que j'ai fait? Donc, nous vivons dans le regard de quelques-uns, même si, in fine, bien sûr, tout ceci participe à l'avancée de la science. Mais donc, voilà le type d'interaction que nous avons entre nous. Complexe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent les non-chercheurs ne comprennent pas bien ce que fait un chercheur tous les jours, pendant des heures, assis à son bureau. Alors je voudrais vous soumettre la phrase de Socrate à Ménon sur la recherche, sur ce qu'est chercher, et puis que peut-être vous me la commentiez, vous me disiez ce qu'elle vous inspire. L'on ne peut chercher ni ce qu'on connaît, ni ce qu'on ne connaît pas. Deux points. Ce qu'on connaît parce que, le connaissant, on n'a pas besoin de le chercher. Ce qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit chercher. Alors est-ce que c'est le type de réflexion qu'un chercheur comme vous, Édouard Brazin, se pose ? Oui, c'est un beau paradoxe. Il est vrai que ce que nous connaissons et ce que nous voyons du monde nous conduit à nous interroger. Alors d'abord, ce que Socrate là ne maîtrise pas et que nous avons hérité de Galilée, c'est la méthode scientifique tout de même. Il existe une méthode scientifique qui est faite de dialogue entre expérience et théorie, explication, qui est particulièrement nette et marquée en physique. Et donc, il y a sans arrêt des faits expérimentaux difficile à comprendre, qu'il faut expliquer. Donc là, nous sommes dans une problématique que Socrate ne connaissait pas. il y a aussi une logique interne, c'est-à-dire connaissant un certain nombre de choses, nous sommes amenés à nous poser des questions pour essayer d'aller au-delà, de les transposer, voir s'il y a problème ou s'il n'y a pas problème. Donc la science conduit en elle-même à se poser des questions et à les poursuivre. Bien souvent, savoir formuler la question est la chose essentielle dans la science. Je cite souvent, parce que je trouve ça merveilleux comme exemple de l'interrogation scientifique, cette question que s'est posée un astronome allemand au XIXe siècle, pour la première fois, je crois, il s'est demandé pourquoi faisait-il noir la nuit, Olbers. Et, comme tout le monde, il sait bien que le soleil se couche, mais des soleils, il y en a des milliards qui sont toutes les étoiles. Donc, après tout, est-il si légitime qu'il fasse noir la nuit? Et un petit raisonnement quantitatif montre très rapidement que si l'univers était éternel et infini, eh bien, nous devrions être aveuglés autant la nuit qu'en plein jour, car toutes ces étoiles, il y en a tellement qu'elles devraient nous éclairer autant que notre propre soleil. Et donc, voyez, pour la première fois, une question élémentaire, quelqu'un qui comprend qu'il y a question, un fait devant lequel tout le monde est passé sans jamais savoir qu'il y avait une question. Et la réponse à cette question nous livre une des choses les plus profondes qu'on puisse avoir sur l'univers, c'est s'il fait noir la nuit, c'est que l'univers n'est ni éternel ni infini, ce qui est quand même pas tout à fait banal. Sinon, ça ne serait pas le cas. Donc, voilà un exemple d'une question magnifique et que, bon, quelquefois, certains d'entre nous arrivent à se poser sur des faits qui paraissent absolument banals et qui néanmoins nous interpellent vraiment. Vous dites, Édouard Brézin, une question magnifique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la beauté de la recherche, en particulier en mathématiques. Est-ce qu'on peut en dire autant de la recherche en physique et la qualifier du même adjectif, de belle? Oui, il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont plongés sur la beauté de la physique et la beauté, même la beauté comme critère. L'un des grands physiciens du XXe siècle, qui s'appelait Paul Dirac, avait même des phrases qui allaient trop loin, à mon sens. Il disait « La relativité générale d'Einstein est tellement belle que si on trouvait un fait expérimental qui la contredit, cette théorie, néanmoins, il ne faudrait pas la rejeter. » Je crois que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faudrait l'aménager, il faudrait comprendre comment l'incorporer. Mais pour lui, le critère esthétique était absolument essentiel. Et c'est vrai que ça l'a guidé, ça lui a permis de découvrir, de faire une théorie relativiste de l'électron dans laquelle il prédisait l'existence d'une particule qu'on a découverte après, qui était l'antiparticule de l'électron. Et donc il a découvert l'antimatière, ce qu'aujourd'hui on appelle l'antimatière, par un pur sentiment de cohérence interne qui a dû lui donner un sentiment de beauté, enfin qui nous tous nous laisse complètement émerveillés devant la beauté des raisonnements et des choses. Donc il y a une beauté dans la physique qui ne se la cède en rien à la beauté des mathématiques. Vous êtes émerveillé, dites-vous, devant la beauté des raisonnements, puis vous vous dites aussi émerveillé d'avoir vu résolu de votre vivant des grands problèmes physiques. Alors, est-ce que depuis les 50 dernières années, les physiciens ont mis en lumière des phénomènes radicalement nouveaux, Édouard Brézin? Quelles sont, disons, les grandes découvertes, mais on va aller vite bien sûr, mais de cette deuxième moitié du XXe siècle, et quels sont peut-être les grands problèmes d'avenir pour la physique? Non, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que si nous avons vu beaucoup de choses comprises, qui paraissaient incompréhensibles, par exemple, la nature est entièrement construite avec quatre types de forces. Les forces gravitationnelles, les forces électromagnétiques et les forces nucléaires fortes et faibles. Toutes ces forces, à l'exception de la force gravitationnelle, sont aujourd'hui comprises grâce aux théories et aux expériences qui se sont déroulées dans les années 70 et 80 du XXe siècle. Donc, énorme progrès théorique, magnifique dialectique entre la théorie et l'expérience. Donc ça, c'est merveilleux. Bon. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement au sentiment qu'avaient les hommes de la fin du XIXe siècle, ou dans un célèbre discours, Lord Rayleigh qui présidait, non, Kelvin, pardon, qui présidait la Royal Society en Angleterre, fait un grand discours au tournant du siècle pour dire on comprend tout, presque tout. Alors on s'est beaucoup moqué du presque, parce que le presque contenait la relativité, la mécanique quantique, mais en gros, néanmoins, en laissant de côté la moquerie, le sentiment des gens de l'époque, c'était, ça y est, quoi, on connaît les atomes, on connaît la matière, on sait comment c'est organisé, on arrive au bout. Et j'interroge tous mes collègues d'aujourd'hui, nous avons collectivement le sentiment que c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que des grandes choses qui concernent le monde sont totalement incomprises. Je vais en citer peut-être quelques-unes pour essayer d'éclairer le débat, mais qui vont faire frémir les gens. Par exemple, chacun sait que l'espace a trois dimensions. Il y a le nord-sud, l'est-ouest, et puis la verticale. Ça fait les trois dimensions que nous connaissons. Or, toutes les conceptions modernes de la physique, sans qu'il y en ait la moindre vérification expérimentale à la minute présente, nous conduisent à penser qu'il y a plus de dimensions dans l'espace. Mais elles nous sont cachées pour toutes sortes de raisons. Elles sont cachées à nos yeux. Il y aura peut-être une façon d'interroger l'expérience lorsque la grande machine qui se construit actuellement à Genève, au CERN, qui s'appelle le Grand Collisionnaire de Hadron, sera terminée d'ici 5, 6, 7 ans. C'est une question extraordinaire. Nous ne comprenons pas pourquoi l'espace a trois dimensions. Nous sommes d'ailleurs convaincus qu'il y en a plus que trois. Voilà quand même une question incroyable. Nous ne comprenons pas pourquoi le monde est tel qu'il est. J'entends la chose suivante. Vaste question. Non, mais j'entends la chose suivante. Nous savons que ces dimensions, la façon dont il apparaît à nos yeux, sont commandées par quelques grandes constantes de la physique. La constante de gravitation, les charges des particules chargées, la vitesse de la lumière, etc. Bon. Et donc, la valeur que prennent ces constantes physiques commande l'aspect que nous avons, le fait que nous mesurons un mètre et quelque chose, et pas un micron ou un kilomètre, est lié à la valeur qu'ont pris ces constantes physiques. Ces valeurs sont-elles des accidents ou des nécessités ? Hasard ou nécessité, pour reprendre la formule de Monod. Nous n'en savons rien encore pour le moment. Nous sommes... La conception dominante, c'est que... il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles, c'est que pour des raisons qui pour l'instant nous échappent, mais pour lesquelles nous avons maintenant des pistes possibles, il n'y a peut-être qu'un seul monde, qui est celui dans lequel nous vivons, et c'est donc une nécessité pour des raisons qui, je vous dis, sont encore incomprises. Mais c'est quand même un problème extraordinaire. Pour d'autres, il existerait beaucoup d'univers indépendants l'une autre, qui auraient été créés dans ces événements du Big Bang, dans lesquels il y aurait eu une sorte d'écume d'univers séparé, pour lequel il n'y aura jamais de connexion causale. Et donc, nous sommes dans l'un d'entre eux qui est accidentellement à telle forme, mais il y en a peut-être d'autres dont nous ne saurons jamais rien, qui ont d'autres formes. Bon, si réellement nous n'avons aucun moyen de nous en rendre compte expérimentalement, je trouve que c'est pas un scénario très intéressant, ni même très enrichissant. Mais vous voyez, nous ne savons pas quelle est réellement l'évolution de l'univers à très long terme. Ça dépend de ce qu'on appelle la matière cachée. Une grande partie de l'univers est actuellement invisible, restera invisible, mais combien exactement y en a-t-il de cette matière cachée ? C'est un des enjeux formidables du monde. Donc, je pourrais continuer comme ça une très longue liste, et ce serait un peu fastidieux, mais de partout, il y a des problèmes qui nous échappent. Et là, j'ai pris des problèmes, comment dire, faciles à visualiser. D'autres sont beaucoup plus importants pour le plan des applications, mais plus difficiles à percevoir. Par exemple, cette nature quantique du monde dont nous parlions hier conduira peut-être à... un jour à faire des calculs avec des ordinateurs qui n'ont plus rien à voir avec la technologie de notre temps. pas demain, pas tout de suite, mais peut-être un jour. C'est-à-dire qu'on passera de la technologie des semi-conducteurs, des transistors que nous avons connus, à une technologie de nature complètement différente qui repose sur ce qu'on appelle l'information quantique, pour lesquelles il y a des défis, des enjeux considérables, et pour l'instant c'est de la recherche fondamentale, absolument pas de la recherche appliquée. Mais là, il y a des choses absolument gigantesques en perspective. Donc, de partout, le monde n'est pas fini. Je crois que l'avenir de nos sociétés, quand même, développées, repose beaucoup sur ces technologies nouvelles, et que ces technologies nouvelles reposent, elles aussi, sur un lien assez fort, et peut-être plus fort qu'autrefois, avec les problèmes fondamentaux, les problèmes de base qui paraissent plus ésotériques et qui pourtant sont derrière, tout de suite. Voilà, je suppose que pour résoudre ces grandes questions, la physique ne travaille pas seule, elle s'aide de modèles mathématiques, et puis peut-être de plus en plus a-t-elle des liens avec la biologie ? Oui, alors, bon, mathématiques, les liens entre physique et mathématiques sont constants, les deux sciences se sont enrichies l'une l'autre, la physique a été sans doute la plus grande source de mathématiques, et les physiciens de plus en plus ont besoin de mathématiques, même parfois de les créer, pour avancer. Donc ça c'est l'évidence. La biologie, c'est nouveau. La biophysique existe depuis longtemps. S'interroger avec les moyens de la physique sur la biologie existe depuis très longtemps. Les moyens de la physique en tant qu'imagerie sont de plus en plus importants pour la santé. Chacun sait l'imagerie par résonance magnétique, le rôle que ça joue, qui est maintenant, il n'y a pas que les rayons X, la caméra positron pour regarder le fonctionnement neuronal, etc. Donc l'imagerie issue de la physique croît sans cesse. Néanmoins, il y a peut-être un rapport nouveau qui est en train de se créer entre physique et biologie, qui tient à ce que peut-être une des conséquences de l'énorme masse de données qui arrive avec le séquençage du génome. Il y a des stocks considérables de données qui demandent une analyse pour comprendre leur signification en termes d'expression des gènes, signification en termes d'évolution, signification en termes de comparaison des espèces, en termes de individualité et potentialité de l'individu et des thérapeutiques adaptées à l'individu, pour lequel, cette fois-ci, nous avons, je crois, enfin c'est ce que me disent beaucoup de mes collègues, besoin de modélisation et d'interface théorie-expérience plus que dans ce que était la biologie moléculaire d'il y a 50 ans. Donc, beaucoup de mes collègues actuellement s'intéressent à des objets biologiques sans avoir le sentiment de faire autre chose qu'être physicien. Ils sont physiciens, mais avec des objets de nature différente et réfléchissent à ces objets-là. Je crois que ça va augmenter énormément. Dans ces labos, il y a beaucoup de gens qui font des choses que je trouve très remarquables. Par exemple, à deux portes d'ici, j'ai un groupe de collègues, Vincent Croquette, David Ben-Simon et leurs collaborateurs, qui regardent ce qui se passe lorsqu'on regarde une molécule d'ADN isolée et qu'on la tord, et ils essayent de regarder, donc par des moyens physiques, il lui arrive des tas de choses, comme les fils du téléphone, si vous les tordez trop, ils vont d'un seul coup s'enrouler et faire quelque chose que vous n'attendez pas. Eh bien, apparemment, ils étudient la physique de ces choses-là, qui a peut-être un intérêt pour la physiologie explicite, je n'en sais rien, mais ceci n'existait pas dans les laboratoires de physique il y a 10 ans, et maintenant c'est très vivant. Alors Édouard Breza, en physique comme en mathématiques, on distingue souvent parmi les chercheurs ceux qu'on appelle les inventifs et ceux qu'on appelle les problem solvers, je le prononce avec un accent bien français. De quel côté vous situez-vous dans ce clivage ? Êtes-vous plutôt un inventif ou plutôt un problem solver, Édouard Breza ? Votre question me terrorise parce que j'ai peur de n'être ni l'un ni l'autre. Alors, je dirais que mon rôle dans ces problèmes de changement d'état de la matière, qui est sans doute le problème sur lequel j'ai le plus travaillé, a peut-être été une clarification des idées, une reformulation qui a permis d'aller plus loin. C'est-à-dire que formulé autrement, de façon plus claire, permettait de comprendre d'autres choses qu'on ne comprenait pas jusque-là et de résoudre d'autres types de problèmes. Donc, voilà, c'est sans doute plus problème solveur qu'inventif, hélas. J'admire les gens qui... Il y a un petit nombre de gens, mais que, dont les idées jaillissent sans cesse. Je les admire beaucoup. Vous savez, les idées sont rares. Il y a une anecdote connue dans laquelle Einstein est interviewé par quelqu'un qui lui dit « Professeur Einstein, comment travaillez-vous ? Est-ce que vous avez un petit carnet avec vous pour noter toutes vos idées lorsqu'elles vous viennent ?» Un peu comme un écrivain qui a un petit carnet. Et Einstein a répondu « Vous savez, des idées dans ma vie, j'en ai eu si peu que lorsque j'en ai eu une, je m'en suis souvenu, j'ai pas eu besoin de carnet. » Alors, il était modeste, mais je crois qu'il pensait ça vraiment. C'est-à-dire que, pour lui, idée, c'était quelque chose de fondamentalement nouveau, et ça, c'est rarissime, et pour la plupart des gens, et là, c'est mon cas, ça leur est même interdit. La plupart du temps, ce sont des petites choses dans lesquelles on avance, on se pose des questions et on avance. C'est souvent, on part souvent d'une insatisfaction, d'une incompréhension. Les idées nouvelles apparaissent très souvent de manière confuse, et ça a été souvent pour ça ma façon d'avancer. On n'est pas content, on comprend pas, c'est pas bien, c'est mal formulé, ça va pas, et donc on essaye de les reformuler, et c'est là où souvent on comprend et on avance. Donc voilà là où je me situe. Alors si vous aviez une devise, quelle serait-elle ? Est-ce qu'elle serait celle de les deux devises d'ailleurs de Richard Feynman qu'il avait écrite sur le tableau noir de son bureau, ce que je ne peux créer, je ne peux le comprendre. Et savoir comment résoudre tout problème ayant été résolu ? Est-ce que ce serait celle de l'école polytechnique pour la patrie, la gloire et la science ? Celle de Jean Dieudonné qui affirmait faire de la science pour l'honneur de l'esprit humain ? Ou enfin, tout simplement, rester curieux ? Édouard Brézin. Je crois que la curiosité est quand même la chose essentielle. Pour moi, c'est... Lorsqu'on perd la capacité de s'émerveiller, j'ai connu des gens comme ça, qui se lassent, bien sûr, et qui ne vibrent plus. J'entends à ce qu'ils font ou à ce que font les autres. Alors je crois qu'on a tout perdu. Je crois qu'il faut plus faire ça, il faut changer de métier. J'ai plaisir à écouter des belles choses quand j'en entends et encore et pour moi c'est l'une des choses essentielles de ce métier, c'est le plaisir de comprendre, la curiosité et quand on le peut le plaisir de contribuer. C'était le cinquième et dernier volet de la série À voix nue, Édouard Brézin au micro de Caroline Brouet. Beauté de la recherche, art de la physique. Réalisation Bruno Sourcy, première diffusion sur France Culture le 3 mai 2002. Vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger ces émissions, ainsi que les trois premiers volets de la série, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.